don't need anybody's money. It's nice. I'm really rich. Today, in a slight accent, Butina pleaded guilty. She was a spy. Как и прежде, не буду. Maria Butina. Le 15 juillet 2018, cette citoyenne russe de 29 ans était arrêtée aux États-Unis, soupçonnée d'avoir agi en tant qu'agente non déclarée d'un gouvernement étranger pour infiltrer les organisations politiques en vue de promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie. The Justice Department announced the arrest of a Russian woman on charges that she conspired to act as an agent of Moscow to influence American politics. Quoi ? Encore une affaire d'espionnage. Sur leurs écrans, les Américains découvraient, médusés, le visage de cette jeune Russe arrivée 2 ans plus tôt aux États-Unis avec un simple visa d'étudiante. Une jolie Rousse qui, sur ses comptes Facebook et Twitter, avait publié des milliers de photos et de vidéos où on la voit, le sourire aux lèvres, le brushing parfait, tenant amoureusement entre ses mains des armes. Des revolvers, des fusils de précision, toutes des armes dernier cri. Car cette étudiante, inscrite officiellement dans une université de Washington, était surtout la cofondatrice en Russie d'un groupe de pression appelé le droit d'être armé. Et sous couvert de promouvoir le droit des citoyens russes de posséder une arme, Maria Butina avait depuis des années établi des relations étroites, voire très étroites, avec des membres de la NRA, la National Rifle Authority, le puissant lobby américain pro-armes, une organisation, comme par hasard, proche du Parti républicain. Never fight if you can avoid it. But when you must fight, don't lose. We are the NRA, and the NRA is you. La justice américaine, il ne pouvait s'agir que d'une ruse. Maria Butina aurait en réalité été missionnée aux États-Unis par le Kremlin pour s'infiltrer via la NRA dans le Parti républicain afin d'y établir une ligne de communication secrète et promouvoir les intérêts de la Russie. Ce qui n'arrangeait pas le cas de la jeune femme, c'est qu'on découvrait qu'elle avait été pendant plusieurs années la collaboratrice d'Alexandre Torchine, un politicien et banquier russe proche du président Poutine et par ailleurs soupçonné de liens avec la mafia. Le tableau était pour le moins chargé. Et l'affaire Maria Butina surgissait dans le contexte déjà anxiogène de ce qu'on appelle le Russia Gate. 2 ans plus tôt, les services de renseignements américains avaient rendu public leur soupçon d'une ingérence russe dans les élections de 2016, celle qui, après Barack Obama, avait porté au pouvoir Donald Trump. Qu'est-ce que Poutine a sur Trump ? Trump a-t-il été compromis ? Autre coïncidence troublante, 5 jours avant l'arrestation de Maria Butina, Robert Mueller, le procureur en charge de l'enquête du Russia Gate, venait de mettre en accusation 12 citoyens russes, membres du renseignement, soupçonnés d'avoir piraté les systèmes informatiques du Parti démocrate en vue de saboter l'élection de sa candidate Hillary Clinton. Et comme si cela ne suffisait pas, Maria Butina était arrêtée au moment même où le président Trump rencontrait son homologue russe Poutine lors d'un sommet à Helsinki. J'ai confiance en mes services de renseignement, mais le président Poutine a été très convaincant lorsqu'il a nié toute ingérence. Il a dit que ce n'était pas la Russie, et je vais vous dire, je ne vois aucune raison que cela le soit. Le président russe joue l'indignation. Je ne suis pas intéressé le moins du monde par ce sujet. Ne laissez pas les relations entre la Russie et les États-Unis être otages de ces querelles politiques internes. L'amabilité extrême de l'Américain envers le Russe achevait de semer le trouble dans les esprits. Aux États-Unis, les propos de Donald Trump à Helsinki ont bel et bien provoqué un tremblement de terre politique. Indignation partagée par le monde du renseignement américain, directement concerné. Son dirigeant actuel, Dan Coats, a défendu le travail de ses services. L'ex-directeur de la CIA, John Brennan, est lui plus virulent. La performance de Donald Trump n'était rien de moins qu'une trahison. Non seulement les commentaires de Trump étaient imbéciles, mais il est pleinement dans la poche de Poutine. Les Américains avaient de quoi être sur les dents. Trump devait-il son élection à Poutine? Et au milieu de tout ça, cette Maria Butina faisait-elle partie d'un vaste complot anti-américain visant à nuire à Hillary Clinton et faire triompher Trump? Ou au contraire, Maria Butina n'était-elle, comme elle l'a affirmé au juge, qu'une malheureuse étudiante étrangère qui ne jurait que par l'amitié entre les peuples, mais qui, au pire moment, a été la victime d'une chasse aux sorcières russophobe. Maria Butina est née en 1988, un an juste avant la chute du mur de Berlin et quand l'Union soviétique elle-même est sur le point de s'écrouler. Maria grandit en Sibérie, à Barnoul, la capitale de l'Altaï Kraï, une région reculée et montagneuse à la frontière avec le Kazakhstan, réputée pour ses ours, ses loups et ses panthères des neiges. Sa mère est ingénieure et son père dirige une fabrique de meubles. Mais surtout, c'est avec ce père qui l'emmène à la chasse que Maria s'initie aux armes. Très jeune, elle y prend goût et devient une excellente tireuse. C'est du moins ce qu'affirmera son avocat américain quand en 2018, les juges soupçonneront la lobbyiste pro-armes d'avoir eu des intentions avant tout politiques. D'ailleurs, à la politique aussi, Maria Butina s'intéresse très jeune. Études de sciences politiques à l'université, et à 19 ans, elle se fait élire au conseil régional de l'Altaï Kraï. À 21 ans, suivant l'exemple de son père, Maria lance son propre business de meubles. Mais en 2011, elle vend ses magasins, quitte sa Sibérie natale pour tenter sa chance à Moscou, où elle crée une agence de pub. Mais la politique, elle, ne la quitte pas, puisqu'à peine arrivée à la capitale, Maria participe aux primaires de la jeune garde de Russie Unie, la branche jeunesse du puissant parti de Vladimir Poutine. À cette époque d'hystérie pro-Poutine, un trio de jeunes femmes fait un tabac sur les radios et les télés avec une chanson « Je veux un mec comme Poutine ». Mon mec s'est encore fourré dans de sales affaires. J'en ai par-dessus la tête, alors je l'ai viré. Et maintenant, je veux un mec comme Poutine. Mais la profession de foi de Maria Butina est tout de même plus politique. Je veux vivre dans un pays riche, hautement développé, prospère, sûr et heureux. Et je ferai tout pour rendre cela possible en Russie. De toute évidence, Maria Butina ne fait pas partie des jeunes et moins jeunes qui, en décembre 2011, manifestent à Moscou contre la fraude et la corruption après la victoire très controversée de Poutine aux législatives. Plus de 50 000 personnes aux portes du Kremlin. Du jamais vu depuis 20 ans, depuis la fin de l'URSS. Une Russie sans Poutine, crient ces manifestants. Et sur le pont, complètement saturé, un message. Escrocs, voleurs, rendez-nous nos suffrages. Opposants politiques, simples citoyens et parmi eux, beaucoup de jeunes arrivent de tous les coins de la capitale russe. 2011, c'est l'époque devenue lointaine où des citoyens russes osent encore manifester. Vladimir Poutine, qui est à la tête du pays depuis 11 ans déjà, accusera Hillary Clinton, alors ministre des Affaires étrangères de Barack Obama, d'avoir favorisé les troubles de 2011 dans le but de déstabiliser son pouvoir. Une défiance qui expliquera en partie les ingérences russes aux États-Unis pour empêcher la victoire de la candidate démocrate en 2016. Mais revenons à Maria Butina. Son engagement en Russie unie explique-t-il cela ? En 2011, à 22 ans, elle crée une organisation, le droit d'être armé. À cette époque, en effet, le port d'armes est strictement réglementé en Russie. Mais pour Maria Butina, la légalisation de la détention civile d'armes à feu et l'extension du droit à l'autodéfense permettront, j'en suis sûre, de réduire la criminalité et de créer dans la société une classe de propriétaires responsables. En moins d'un an, son organisation compte environ 400 membres qui se retrouvent régulièrement dans le sous-sol glauque d'un hôtel miteux de Moscou. Au milieu d'hommes d'un âge certain, Maria, la seule femme et la plus jeune, explique le maniement des armes à feu. Vous allez passer une soirée inoubliable et repartir avec la sensation d'avoir tenu entre vos mains quelque chose de puissant et d'incroyable. Profitez. Mais cet aficionada de la gâchette ne saurait se contenter de séances de tir. Ambitieuse, elle se fait connaître à Moscou dans les milieux politiques. Elle se lie en particulier avec un des membres dirigeants de Russie Unie, Alexandre Torchin, qui est aussi le président de la Chambre haute du Parlement de Russie. 4 ans plus tard, il deviendra le gouverneur de la Banque centrale. Connu aussi pour ses liens avec les services de sécurité et de renseignement russes, ce proche de Poutine, petit homme jovial de 58 ans, tout en rondeur, adore le Bourbon, les États-Unis et les armes. Torchin se vante d'ailleurs d'être l'ami personnel de Mikhaïl Kalachnikov, un très vieux monsieur connu pour être l'inventeur pendant la Seconde Guerre mondiale de l'AK-47, le célèbre fusil d'assaut auquel il donna son nom. La passion de Torchin et de Butina pour les armes est sans doute bien réelle. Mais elle va avant tout servir de couverture dans le cadre d'une stratégie d'espionnage commandée directement par le Kremlin. Une sorte de cheval de Troie pour s'infiltrer dans la politique américaine. Et Alexandre Torchin ne perd pas de temps. Dès 2011, il réussit, grâce à une relation commune, à rencontrer David Keane, 66 ans, qui est alors le patron de la National Rifle Authority, le puissant lobby pro-armes aux États-Unis. Contre vents et marées, la NRA défend et promeut le 2e amendement de la Constitution américaine qui donne le droit à chaque citoyen d'être armé. Proche du Parti républicain, ce lobby, qui revendique plus de 5 millions d'adhérents, fait bloc à chaque tentative de réformer le 2e amendement, même quand des fusillades de masse viennent régulièrement endeuiller les États-Unis. Chuck Norris, la star des séries télé et des films d'action, fait partie des personnalités qui apportent leur soutien à la NRA. Hi, I'm Chuck Norris. If some thug breaks into my home, I could use my roundhouse kick, but I'd prefer he look down the barrel of my gun. I'm Chuck Norris and I approve this message. David Keane, conservateur, ancien conseiller de la présidence du temps de Nixon, fervent anti-soviétique pendant la guerre froide, n'hésite pas, en avril 2011, à inviter le sénateur russe Alexandre Torchin à la convention annuelle de la NRA à Pittsburgh. En dehors de leur goût commun pour les armes, qu'est-ce qui, chez le russe, séduit l'américain ? La flatterie ? Des cadeaux en nature et en dollars ? Peut-être aussi des considérations communes sur les valeurs menacées de l'Occident blanc et chrétien. En tout cas, la rencontre a dû être cordiale, puisque peu de temps après, le président de la NRA écrit à Torchin une lettre, qui sera retrouvée et publiée dans la presse, où il le remercie de sa venue, l'invite à la prochaine convention annuelle et surtout lui propose son aide. Si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit dans vos efforts, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mais quelle aide qui n'est-il en mesure de fournir ? En vue de quels efforts de la part de Torchin ? Les mots sont flous. Cette lettre fera partie du dossier du procureur Mueller quand il enquêtera sur le possible financement de la campagne de Trump par la Russie via la NRA. C'est dans ce contexte très prometteur qu'Alexandre Torchine embauche Maria Boutina comme sa plus proche collaboratrice. Pourquoi elle ? Parce qu'elle connaît les armes, elle est crédible dans ce rôle de lobbyiste. Parce qu'elle est à l'aise et convaincante quand elle prend la parole. Et sans doute aussi, c'est un peu triste à dire, parce qu'elle est séduisante et sexy. Pour mener à bien sa mission, elle servira d'appât et sera amenée à avoir des relations sexuelles avec des politiciens américains. Mais surtout, Maria Boutina est convaincue de l'utilité patriotique de sa mission et n'a pas peur. À partir de 2011, elle devient une célébrité en Russie, publiant sur les réseaux sociaux des images d'elle, les armes à la main. Dans leur pays, les deux compères, le petit blond et la grande rousse, s'emploient à convaincre les sénateurs russes d'élargir le droit du port d'armes. Mais leur objectif réel et secret, on l'a compris, ce sont les États-Unis. À l'invitation de David Keane, Alexandre Torchine et Maria Boutina se rendent chaque année aux conventions annuelles de la NRA. À leur tour, ils se mettent en quatre pour inviter en Russie des membres haut placés de la NRA. Voyage en première classe, hôtel de luxe, tout frais payé, réception fastueuse, vodka et caviar à volonté, de ravissantes hôtesses en mini-jupe. Tout est déployé pour séduire les Américains pro-armes. Qui finance tout cela ? Probablement le Kremlin. À l'heure des comptes, la justice américaine estimera que la Russie aura dépensé au total 125 000 dollars dans cette opération. Et ça marche ! En novembre 2013, David Keane, en personne, se rend à Moscou à l'invitation du lobby russe, accompagné d'une délégation de 200 membres de la NRA. Une vidéo est tournée lors de la soirée d'ouverture. On voit Maria Boutina présenter David Keane au public russe. Le président de la NRA vient à son tour à la tribune. Après avoir remercié Maria, et oui, il l'appelle par son prénom, il prononce un vibrant discours. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. En partie parce que depuis 3 ans, j'ai invité votre sénateur Alexandre Torchine aux conventions annuelles de la NRA. Dans une ambiance boule à facettes, la soirée se termine par un défilé de mode où des jeunes femmes en talons aiguilles soulèvent langoureusement leurs mini-jupes pour montrer l'ingénieux porte-flingue fixé sur leurs cuisses. On imagine l'excitation de ces messieurs de la NRA qui ont laissé leurs épouses au ranch. De son côté, Maria Boutina s'empresse de poster sur sa page Facebook une photo d'elle, grand sourire, à côté de David Keane. Plusieurs années de suite, les deux Russes sont invités aux États-Unis aux conventions de la NRA, dont, privilège rare pour des étrangers, Torchine et Boutina deviennent des membres à vie. Officiellement, la créatrice du petit lobby russe n'est là que pour apprendre du grand frère américain, le plus innocemment du monde. La voilà en mini-short, Santiago, un chapeau de cow-boy sur la tête, interviewée à un stand de tir lors d'une convention de la NRA. Je suis la présidente d'une organisation sans but lucratif russe, le droit d'être armé. J'aimerais en savoir plus sur vos lois, les lois des différents pays et comment, en pratique, ils s'y prennent. L'année 2013 est fructueuse. Grâce au NRA, Torchine et Boutina réussissent à approcher des personnalités importantes du Parti républicain. John Bolton, par exemple, ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU et futur conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. La même année, Maria Boutina, lors d'un meeting à Moscou, rencontre Paul Erickson, 51 ans, membre de la NRA et surtout politicien républicain, qui ne cache pas sa sympathie pour la Russie de Poutine. de cet affairiste, spécialiste des coups tordus, mais qui peut lui être utile, Maria Boutina va faire son amant et surtout son complice. 20 février 2014. Ce matin, on a vu encore plus de miliciens armés pro-russes contrôler les rues de la capitale de Crimée. Février 2014, l'armée russe envahit la Crimée, violant le droit international et la souveraineté de l'Ukraine. Le 18 mars, alors que les États-Unis et l'Europe viennent d'annoncer des sanctions, Vladimir Poutine, à Moscou, en grande pompe, signe le rattachement de la Crimée à la Russie. C'est une signature historique. Vladimir Poutine a paraphé ce midi le traité intégrant la Crimée et la ville de Sébastopol à la Russie, sans tenir le moindre compte des menaces de sanctions occidentales. Dans le cœur et la conscience des gens, la Crimée était et reste une partie intégrante de la Russie. Cette conviction fondée sur la vérité et la justice était ferme et a été transmise de génération en génération. Une annexion saluée par Maria Boutina lors d'un meeting dans une rue de Moscou. Et voici la plus célèbre femme armée de Russie, Maria Boutina. Bonjour les amis. Merci à tous d'être venus à ce meeting pour soutenir nos compatriotes russes. Merci. Merci beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'annexion illégale de la Crimée n'abîme pas l'image de Poutine auprès d'une grande partie de la classe politique américaine. Au contraire, le maître du Kremlin fascine la droite la plus nationaliste pour son virilisme et sa défense des valeurs traditionnelles. En toute logique, les membres de la NRA continuent d'affluer à Moscou. Entre-temps, Alexandre Torchin s'est approché du sommet du pouvoir en devenant gouverneur de la Banque centrale de Russie. Maria Boutina, toujours sa collaboratrice, poursuit ses allers-retours aux États-Unis. D'autant que se profilent les primaires de l'élection présidentielle de 2016. L'espionne russe s'affiche alors aux côtés de futurs candidats aux primaires républicaines, Bobby Jindal, Rick Santorum ou Scott Walker. Comme personne ne sait qui sera l'heureux gagnant, mieux vaut les cajoler tous dans le sens du poil. Une revue conservatrice de politique internationale, National Interest, n'hésite pas à offrir une tribune à Maria Boutina. Elle y exprime clairement où va la préférence russe. Il faudra peut-être l'élection d'un républicain à la Maison-Blanche en 2016 pour améliorer les relations entre la Fédération de Russie et les États-Unis. Juin 2015. Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States, and we are going to make our country great again. Curieusement, le candidat Trump tient à préciser qu'il est tellement riche qu'il n'a pas besoin de l'argent des lobbies. I don't need anybody's money. It's nice. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists. I'm not using donors. I don't care. I'm really rich. I'll show you that in a second. Quand ce Donald Trump annonce sa candidature à l'investiture républicaine, personne dans les médias ou les milieux politiques ne le prend au sérieux. Mais quand rapidement, à la surprise générale, les sondages le placent en tête, on comprend qu'Alexandre Torchin et Maria Boutina vont tout faire pour rapprocher ce candidat hors norme, imprévisible, qui se revendique anti-système et politiquement incorrect. Donald Trump est sans doute le candidat idéal pour la Russie de Poutine, le seul capable de battre Hillary Clinton et d'affaiblir la démocratie américaine. mois seulement plus tard, Maria Butina va réussir un coup incroyable. L'épisode, qui sur le moment passe bien sûr totalement inaperçu, sera retrouvé par la presse quand on se mettra à parler de Maria Butina après son arrestation en 2018. Les journalistes retrouveront la trace de l'étonnante rencontre. Le 11 juillet 2015, l'espionne se rend à Las Vegas où le candidat Donald Trump doit intervenir dans un meeting. Se faisant passer pour une journaliste russe, la jeune femme, depuis la salle, n'hésite pas à interpeller en personne Donald Trump lors d'une séance de questions-réponses. Yes, ma'am. Oui, madame. I'm visiting from Russia. Je viens de Russie. Ma question porte sur la politique internationale. Si vous êtes élu président, quelle sera votre politique étrangère, en particulier votre relation avec mon pays? Et avez-vous l'intention de poursuivre la politique de sanctions qui est très dommageable à nos deux économies? Et si vous avez d'autres idées? Je connais Poutine. Et je vais vous dire, je m'entends bien avec lui. Je pense que je vais vraiment bien m'entendre avec Poutine. Mais je pense pas que vous avez besoin de sanctions. Vraiment, nous allons bien nous entendre. Dans cet échange surprenant, l'agente de Poutine, en bonne petite soldate, n'y va pas par quatre chemins. Elle invite le candidat Trump à cultiver de bonnes relations avec la Russie et à mettre fin aux sanctions. Et Trump, de son côté, annonce la couleur « Je pourrais m'entendre très bien avec Poutine ». Il est très probable que ce jour-là, le futur président des États-Unis ne sait rien de la jeune femme qui vient de l'interpeller. Maria Butina, elle, affirmera avoir rencontré Trump déjà 3 mois plus tôt à Nashville et avoir eu avec lui, je cite, « un échange jovial ». Si c'est vrai, il est très possible aussi que lui ne s'en souvienne pas. Une certitude. À partir de l'été 2015, Maria Butina et son complice, Torchine, vont se démener pour obtenir un rendez-vous avec ce Donald Trump qui caracole dans les sondages et fait tomber, comme des mouches, tous ses concurrents. Une bonne occasion se présente quand, en mai 2016, la NRA se réunit à Louisville, Kentucky. Paul Erickson, vous vous souvenez, ce républicain pro-russe, membre de la NRA, dont Maria Butina fait son amant, adresse un mail à un conseiller de campagne de Trump où il lui propose, ni plus ni moins, d'organiser une rencontre Trump-Poutine lors de cette convention de la NRA. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. Le 20 mai à Louisville, Trump est accueilli en héros par une foule en délire, alors que la NRA vient de le désigner comme son candidat. En parole et en acte. Par la suite, la NRA déclarera avoir dépensé 30 millions de dollars pour soutenir Trump, plus de 2 fois ce qu'elle avait accordé au candidat républicain à la précédente élection. Une somme sans précédent et sans doute largement sous-estimée. Question, une partie de ces fonds a-t-elle été versée par la Russie pour favoriser la victoire de Trump? C'est ce que l'équipe du procureur Mueller tentera d'élucider. Car il est interdit aux États-Unis d'utiliser de l'argent étranger pour influencer des élections fédérales. En tout cas, dans son discours à Louisville, le candidat Trump exprime avec force sa reconnaissance à l'égard de la NRA. I will not let you down. Remember that. Je vous laisserai pas tomber. Not let you down. Hillary Clinton wants to abolish the Second Amendment. So Hillary Clinton veut abolir le deuxième amendement. Je la laisserai pas faire. OK. Évidemment, Alexandre Torchine et Maria Butina sont dans la salle. Mais malgré tous leurs efforts, les deux Russes, aidés par Erickson, n'ont toujours pas réussi à approcher le candidat républicain, encore moins à monter la rencontre secrète Trump-Poutine. À Louisville, ils ne verront que le fils, Donald Jr. Mais en juillet 2016, les événements se précipitent. Donald Trump est officiellement désigné comme le candidat républicain qui affrontera à l'automne la démocrate Hillary Clinton. Dans ce contexte fébrile, la mission de Maria Butina monte d'un cran. Dès le mois d'août, pour être au plus près du terrain, elle est envoyée aux États-Unis. En guise de couverture, elle s'inscrit en relations internationales à l'American University de Washington. Quand elle sera arrêtée 2 ans plus tard, elle sera accusée d'être entrée frauduleusement aux États-Unis. En faisant sa demande de visa, Maria a affirmé qu'elle ne travaillait plus pour Alexandre Torchine, ce qui est faux. La justice retrouvera en effet de nombreux messages privés via Twitter, échangés avec Alexandre Torchine après l'arrivée de Maria aux États-Unis. Des messages qui laissent peu de doute sur le caractère illicite et politique de leurs intentions. Alexandre Torchine. N'oublie pas, tu es sur une mission à long terme. Tu dois garder ton sang-froid, faire profil bas et veiller à ne pas être grillé prématurément. Maria Boutina. Compris. Je suis là incognito. À partir de maintenant, il faut être silencieux et prudent. Et quand Maria émet des inquiétudes... C'est un domaine nouveau pour moi. J'ai encore beaucoup à apprendre avec vous. Rassurant, Torchine l'encourage et la félicite sur son travail. Ton étoile politique est montée dans le ciel. Quelques mois plus tard, le 8 novembre 2016, arrive l'événement tant attendu par Maria et que la plupart des observateurs pensaient impossible. Ils disaient tous qu'il ne réussirait pas. Ils disaient tous qu'il n'était pas qualifié. Même les sondages ne lui donnaient aucune chance. Le président élect des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Donald Trump remporte l'élection présidentielle. Autrement dit, comme le souhaitait Vladimir Poutine, Hillary Clinton a perdu. Dans la nuit, Maria Boutina écrit ce message à Alexandre Torchine. Je vais dormir, il est 3 heures ici. J'attends les nouveaux ordres. Hello. Maria Boutina va continuer à conspirer. Mais ce qu'elle ignore, c'est que depuis son arrivée aux États-Unis, elle est surveillée par le FBI. Une surveillance qui aboutira en juillet 2018 à son arrestation. Alexandre Torchine, lui, est déjà depuis 6 mois dans le collimateur de la justice. Soupçonné de liens avec la mafia russe, de blanchiment d'argent et donc d'avoir financé la campagne de Trump avec de l'argent du Kremlin, il est interdit d'entrer sur le territoire américain. Sentant l'étau se resserrer sur elle, Maria Boutina était sur le point de s'envoler vers la Russie quand le 15 juillet 2018, elle est arrêtée à Washington. This is CNN breaking news. Maria Boutina is not an agent of the Russian Federation, saying she was simply a student working to promote a better relationship between the US and Russia. La jeune Russe n'est pas soupçonnée d'espionnage, mais d'avoir agi en tant qu'agente non déclarée d'un gouvernement étranger et de complot dans le but de promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie. Objectif minimum, restaurer l'amitié russo-américaine, voire faire du lobbying pro-russe, mais peut-être beaucoup plus grave, mettre à mal le processus démocratique des États-Unis. Maria Boutina, qui clamera toujours son innocence, sera la seule citoyenne russe arrêtée et reconnue coupable dans le cadre des enquêtes sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. La justice enquête également sur la NRA. En 2018, la Commission électorale fédérale, qui veille au respect des lois sur le financement des campagnes, conclut qu'il n'y a pas assez de preuves établissant que de l'argent russe est passé par la NRA pour influencer la campagne présidentielle. Mais l'année suivante, un rapport explosif des sénateurs démocrates établit que la NRA a agi en tant qu'actif étranger en donnant à des officiels russes l'accès à des organisations politiques dans la course à l'élection de 2016. Quant à Donald Trump, en avril 2019, les conclusions du procureur Mueller sur l'affaire beaucoup plus vaste de l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 le disculpent, lui et ses proches, de collusion avec Moscou. Maria Boutina, condamné à 18 mois de prison, est incarcéré à la prison de Tallahassee en Floride. L'élégante lobbyiste porte désormais la blouse orange des détenues américaines. Son incarcération suscitera la protestation de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Depuis plusieurs mois, elle est torturée, d'une manière très particulière. Elle est soit forcée à effectuer sa promenade en plein milieu de la nuit, en interrompant son sommeil, soit placée dans une cellule d'isolement, entre autres choses. J'ai de nombreuses raisons de croire que le but principal de ces commissions créées pour elle était de briser sa volonté et de la forcer à avouer des choses qu'elle n'a probablement pas faites. Le 25 octobre 2019, Maria Boutina est libérée et expulsée vers la Russie. À son arrivée à l'aéroport de Moscou, la jeune femme est accueillie par son père au milieu de journalistes et de bouquets de fleurs. Maria Boutina est rentrée ce samedi à Moscou. Émue à son arrivée, elle s'est dit très contente de rentrer à la maison. Je suis très reconnaissante à tous ceux qui m'ont soutenue. Je n'ai pas baissé les bras parce que je savais que je devais tenir. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue. Les Russes n'abandonnent jamais. Dès son retour en Russie, Maria Boutina est régulièrement interviewée par les médias. Elle écrit un livre où elle raconte les conditions qu'elle juge inhumaines de sa détention aux États-Unis. Elle est embauchée par la chaîne de télé RT. En mars 2021, l'ex-espionne russe se fait remarquer par un acte très politique. Accompagnée de caméras, elle rend visite dans sa cellule à Alexei Navalny. Le célèbre opposant russe a entamé en prison une grève de la faim afin d'obtenir des soins médicaux. Au lieu de la visite d'un médecin, Navalny reçoit donc celle de Maria Boutina, qui, devant les caméras, s'exclame que cette prison est excellente, beaucoup plus confortable que celle qu'elle-même a connue aux États-Unis. Je n'ai pas eu l'impression que Navalny avait besoin d'aide médicale. Il n'a aucune difficulté à se tenir sur ses deux jambes. Ses jambes, à ce moment-là, ne lui faisaient pas mal. Dans son discours, il n'arrête pas de mentir. Il se plaint qu'il n'a pas de livres. Il y a une énorme bibliothèque ici. Vous pouvez venir voir. Consécration, la même année 2021, Maria Boutina se fait élire députée à la Douma, le Parlement russe, dans les rangs bien sûr de Russie Unie, le parti de Poutine. Et c'est sans grande surprise qu'en 2022, la jeune femme soutient ardemment l'invasion russe de l'Ukraine. Elle poste sur Instagram des photos d'elle-même avec des lettres Z dessinées sur ses vêtements et n'hésite pas à affirmer à la télévision que l'armée russe ne bombarde pas les populations civiles, que ce sont les Ukrainiens qui se bombardent eux-mêmes. Si Maria Boutina n'est pas une espionne dans le sens classique, où elle aurait été formée par un service secret et envoyée à l'étranger pour collecter des renseignements classifiés, elle n'en demeure pas moins une espionne qui, en secret, a agi dans le cadre d'un complot du Kremlin visant à infiltrer et perturber le système politique américain. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.